locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la cloche de bois, on vous parle des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Salut, dans ce 23e épisode à la cloche de bois, qui est diffusé en mois d'août 2022, nous vous proposons d'abord de faire un tour dans les nombreux squats à Bruxelles pour y écouter les histoires drôles et étonnantes. Ensuite, nous voyageons vers le Paraguay en Amérique latine pour apprendre à connaître les luttes contre la gentrification et l'urbanisme là-bas il y a 10 ans, et plus particulièrement dans le bidonville du Barrio Chino de la Chacharita. Pour finir, nous vous amenons vers Marseille pour écouter des extraits d'une émission « Alors la zone, ça dit squat ». Émission mensuelle avec des personnes exilées qui vivent en squat et qui nous parlent de leur parcours, de leurs difficultés du quotidien, diffusée en mois de mai 2022 à Radio Galère. Bonne écoute! Très contente de vous proposer une nouvelle rubrique, celle des petites histoires des squats bruxellois. Parce que ces rues de cette belle ville bruxelloise est parsemée de petits récits, histoires, expériences des squatteurs, squatteuses qui ont vécu et lutté, des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires qui foutent la rage et des histoires qui nous donnent chaud au cœur. Bonne écoute! Et si vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à lacloche-de-bois@riseup.net ou nous en parler tout simplement. Un soir, il restait juste une personne dans le squat. Pendant la nuit, il y a un gars qui a cassé la fenêtre et qui est entré dans la maison. Il a commencé à prendre nos outils et il a essayé de couper les cadenas des vélos, mais sans succès. Il est monté et il est allé dans la chambre à côté du coloc qui était resté là et qui dormait. Il était en train de prendre mes affaires et de les mettre dans son sac quand mon coloc s'est réveillé et l'a entendu. En sachant qu'il devait avoir personne à la maison, le coloc a pris un marteau et est allé à la rencontre du voleur. Le voleur était bien bourré et a commencé à s'excuser. Du coup, mon coloc l'a accompagné à la porte. C'est à ce moment que le voleur a demandé à mon coloc s'il pouvait prendre au moins un de nos vélos. Mon coloc a refusé et le voleur est parti en lui souhaitant une bonne nuit. Une des histoires vraiment drôles dont je me rappelle, c'est quand on allait ouvrir l'occupation à Defax et que je n'étais pas à Bruxelles et je devais me réveiller très tôt pour venir à Bruxelles et qu'on m'explique toute l'organisation. Et ce matin, je me suis réveillée très en retard, alors que ça m'arrive jamais. Et donc, je suis arrivée vraiment 5 minutes avant l'ouverture, presque, et où je ne savais pas du tout ni où c'était exactement, ni comment ça allait se passer. Et donc, je suis arrivée avec une amie, on est rentrée dedans, et j'ai vu cet immense bâtiment, pour ceux et celles qui y ont déjà été, qui fait la taille d'une rue. Et j'étais vraiment, genre, qu'est-ce que je fais ici? Je connaissais pas du tout tout ça et j'étais vraiment. Il y avait plein de gens qui rentraient dedans et devant qui soutenaient l'ouverture. Et c'était juste méga impressionnant de juste moi qui était en retard et qui était là toute stressée, tout ça, t'arrivais là-dedans avec les pièces qui faisaient la taille d'une rue où tu voyais même pas la fin de la pièce, quoi. C'était des grandes pièces toutes ouvertes, immenses, quoi. Ça faisait vraiment rêver de voir cet immense bâtiment. Et puis, il y avait 6 étages au bâtiment, donc c'était vraiment très très impressionnant. Et tout en haut, il y avait un toit plat qui faisait la taille de tout le bâtiment. Et on est monté à plusieurs là-bas, on s'est assis par terre, on a regardé tout Bruxelles. Et c'était vraiment un beau souvenir d'être tous là comme ça, avec que des gens que je ne connaissais pas. Mais il y avait comme une fierté, une légitimité à être là sur ce toit au-dessus de tout Bruxelles et à voir tout ça. Et c'était vraiment un beau moment. Fierté et légitimité, ce n'est pas des beaux mots, mais on était vraiment, vraiment bien, quoi. On regardait tout ça. Il y avait du soleil, un coucher de soleil. Enfin, j'étais contente d'être là. On est plus fort que les stars vêtus des noirs. La peau colorée, on porte l'espoir jusqu'à dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusqu'à dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débordement. Le monde demande débordement. Sais-tu qui je suis? On s'emballe à schneck. Avec elle, avec lui, je te découpe en steak. Futur végétal, on est des centaines pressés à presser la pastèque. Ouais, c'est déjà la fête. La fin des aztèques, futur végétatif. On fait du sale-sale, pétrole ou sniff. Mets du gel, du glitter sur les paupières. Tape les fesses dans la rue, les doigts en l'air. J'envoie des messages de blé pour le ferry. Pour les petits perdus de Bruxelles à Paris. Y'a tellement pas de lien, qu'est-ce qui nous tient? De pas manger les autres au lieu de ronger nos faims. Tu vas manger ma joie, boire le sang des six stars. Marée de corps arrive sur toi, tu vas manger ma Felicita. Ah, Felicita. On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante les soirs, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. Dans les rues, carnaval des morts à corps perdu. Plus de mariage, plus de bévue. Enfant dispo à perte de vue. De quoi tu parles? Mission to Mars, crypto-monnaie, micro-ciblage et HFT. Coup d'état digital sur ton âme numérisable. L'eau goûte l'essence, l'air pue la merde. Eh, tout le monde se tait ou tout le monde se terre. On a quitté les réseaux, on équipe nos bodies sur des chars. Descente avec le pinko, occupation sur les boulevards. Lancement de malédiction sur ces crevards. Fais ta tenue comme tu fais ton armure. Regard, posture, after du siècle. À coup d'épée, ergo du siècle ou réalité. Midnight Sabbath, nuit sous les étoiles. Personne comprend, on abat les mirages. Le turfu, on l'enrage. fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles, dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lutte jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. On chante la puissance et la vie quand on arrive en ville. Y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement. Het verhaal dat ik vertel is over een gebouw dat wordt geopend voor vluchtelingen. Mensen zonder papier. En dus het was winter, het was redelijk laat. Ik was al gaan sporten daarvoor, dus ik was een beetje tegen mijn goesting meegegaan. Maar ik had toch nog wat hulp nodig en wat mensen die rond stonden en een oogje in het zeil hadden. En dus ik ga mee, goed moe. Het was koud ook, dus je wilt daar niet te lang buiten blijven staan. Up, doe de deur open, het gebouw gaan binnen. Lopen daar wat in rond. Al heel bizar, de chauffage brandt daar, dus... terug blij, want ja, het was winter, dus wij ook terug warm. We gingen rond te lopen in dat gebouw. Er zijn wel zo'n rare gaten in de grond, waarschijnlijk voor zo'n onderzoeken voor stabiliteit en van die dingen. What the fuck, waarom hebben we hier overal gaten in de grond geboord? We lopen verder. Dat gebouw is helemaal verwarmd, twee verdiepen. Maar aan de ene kant van het gebouw zijn alle deuren op slot. De binnendeur. Dus we zijn zo, we willen dat stuk van het gebouw toch ook zien en dat zal ook wel leeg staan. Dus we doen die eerste deur open, dan komen we in een trappengang. Oké, ça va, de trappengang. Het geeft terug uit op twee deuren die gesloten zijn. Dus uiteindelijk, doen die deuren ook open. Eerste deur komen we in een garage terecht die zo wat vaag is, die precies een ander gebouw is en die al zo wat half in gebruik lijkt. Dus we zijn zo, oké, we maken dat hier snel uit de voeten. Dat is gewoon een tegenliggend gebouw dat niet van dezelfde eigenaar is. En dan de ruimte beneden, twee deuren toe. Eén deur, de twee deuren waren gesloten. En we doen zo langs die trappengang open. En die geeft uit op een andere uitgangsdeur die op straat uitkomt. Dus we doen die deur open en dat blijkt het bureau van de wijkagenten te zijn. Dus zo niet de politie, maar zo de preventiedienst van de gemeente of zo, die daar hun lunchplek heeft of hun bureau heeft om hun materiaal te leggen. Dus wij snel terug die deur toe, terug in de rest van het gebouw, toen dat we niks weten. Laten uiteindelijk die groep met mensen zonder papieren toch 's nachts overkomen, omdat we geen andere optie hadden om die ergens huis te vesten op dat moment. En we gaan daar weg. Zij blijven daar 's nachts zitten. En 's ochtends staat de politie daar. Samen met de gemeente en nog andere mensen. Wij sturen daar vrijwilligers en vrienden naartoe om daar wat ondersteuning te bieden voor die onderhandelingen. En uiteindelijk ben je wel gepraat met de gemeente, want de gemeente was dan effectief eigenaar van het gebouw. Hebben ze toch omdat die deur hadden van dat gebouw staat toch leeg, hebben ze uiteindelijk een akkoord gesloten om ons 6 maanden daar te laten blijven. En ondertussen 6 maanden later zitten we daar nog altijd verder. Voilà. Zijn die mensen daar nog altijd gehuisvest. Met een prachtige winterverwarming die anders toch voor niks aan het branden was. Voilà. L'histoire que je te raconte... C'est une squat qu'on avait ouvert en hiver. C'était assez caillant. Et moi j'avais pas trop envie d'ouvrir parce que j'étais bien fatigué, j'étais allé au sport, alors j'étais un peu en flemmard. Le bâtiment qu'on avait vu, c'était dans une commune à Bruxelles et c'était un pote qui l'avait repéré plusieurs fois, mais ça l'air vide. Alors on l'ouvre et super bien, la chauffage brûle à l'intérieur, alors on peut se chauffer au milieu de l'hiver, c'était pas mal. C'était pour un groupe de sans-papiers qu'on voulait l'ouvrir, alors c'était aussi assurant qu'ils allaient pas s'écailler tout l'hiver. Mais on visite le bâtiment, c'était un bâtiment à deux étages, et à un certain moment, on voit que une partie du bâtiment est quand même aussi fermée avec les portes d'intérieur. Alors on se questionne, on dit, ben on va voir cette partie aussi. Alors on ouvre les portes, moi déjà un peu hésitant, et la première porte, ça se donne sur un couloir d'escalier. Une autre porte qu'on ouvre, ça donne sur un garage, mais qui a du bâtiment lié, alors on est comme déjà, putain, on a cassé les mauvaises portes. On se barre, on descend, on va à une autre porte qui est fermée, on l'ouvre, et là, on voit que c'est la bureau des agents de quartier, pas de la police, mais comme du service prévention de la commune. Alors, grosse stress, grosse panique, ok, il n'y a pas d'alarme qui sonne, nanana, mais il y a quand même blindé d'affaires qui traînent là. On se barre, on rentre à l'autre côté du parti, on dit quand même à les potes qui doivent se loger là pour venir. Et eux dorment là la nuit, le matin très tôt, les keufs sont là avec la commune et tout. Nous on envoie à toutes les potes, il y avait quelques potes qui avaient dormi là, il y a des potes qui habitaient autour, qui sont tous venus dans la rue pour soutenir l'occup. Et voilà, après presque une demi-heure de discussion, la commune disant « Ouais, en fait c'est vrai que c'est vide et que ça chauffe, alors oui, on peut héberger des gens. » Et voilà, ils ont eu un contrat pour 6 mois je pense, mais au moment on est déjà plus... C'est déjà passé plus que 6 mois, alors voilà. Un bon lieu pour héberger des gens. La chanson que je conseille pour écouter, ou le titre avec Robson, c'est Wohnrecht von Hart für Wenig. C'est une chanson qui est écrite la dernière année pour la lutte de logement en Hollande. Et je l'aime bien parce que c'est un peu une chanson punk hardcore. Et ça pète, quoi. Et il y a une drôle métaphore dedans que tu dois pas tartiner avec des logements, mais que tu dois tartiner tes tartines. C'est une métaphore que tu comprennes que quand tu parles un peu néerlandais. Voilà. Wir verrochen, kein Starking, auch ein Seelsam von Null oder Betracht. Es ist ja wahr! J'ai envie de vous partager des expériences de lutte d'il y a 10 ans, de quelques anarchistes qui se sont mobilisés, qui ont lutté contre la gentrification et l'urbanisme au Paraguay, un pays en Amérique latine. Et ces expériences de lutte ont été écrites dans un texte qui a été diffusé en papier, pas sur internet, en espagnol et en néerlandais. Ça n'a pas encore été traduit en français, mais néanmoins, je trouvais ça important de partager avec vous ces expériences de lutte qui donc n'ont pas encore circulé dans la, en langue francophone. Pas seulement pour le contenu, qui est très très inspirant en termes de lutte contre la gentrification et l'urbanisme à Bruxelles et en Belgique aussi, mais aussi sur la méthode de lutte. Donc il s'agit en fait des interventions d'un petit groupe d'anars. Eux-mêmes, ils ont peu d'argent, la plupart d'entre eux sont très pauvres, mais qui néanmoins arrivent à tenir un local, une bibliothèque, et diffuser un journal qui s'appelle Sin Permiso, ce qui veut dire sans permis. Donc ce texte, en fait, c'est une forme de bilan, d'essayer de comprendre en fait les plusieurs interventions dans les luttes qu'il y a eu, et qui essaie aussi un peu d'analyser la situation, le contexte, et ce qui pour eux et pour elles a bien marché, ce qui a moins bien marché, mais sans se focaliser sur les résultats concrets. Et donc ce texte essaye de montrer, c'est qu'un petit groupe d'anars peuvent intervenir dans la réalité sociale autour d'eux, autour d'elles, sans avoir besoin d'une scène subculturelle ou sans faire des alliances avec des personnes qui ne portent pas une même éthique anti-autoritaire. Donc le texte commence avec situer un peu le pays dans son contexte géographique et historique, ce que je vais moins mettre en avant maintenant, mais en gros, une des choses qui sont mises en avant, c'est que le pays vient de sortir d'une dictature d'un certain Stroessner, un militaire qui a régné des années 50 jusqu'à fin des années 80 et qui a instauré vraiment une culture du clientélisme et beaucoup de corruption. C'était pas vraiment leur intention spécifique de lutter contre la gentrification en tant que telle. Ce mot, d'ailleurs, n'existait pas au Paraguay il y a 10 ans. Et entre-temps, c'est devenu, entre gauchistes du monde académique, c'est devenu modieux. Mais à ce moment-là, personne ne connaissait. En fait, les anarchistes étaient plutôt à la recherche de tensions sociales autour d'eux, autour d'elles, et des thèmes avec lesquels et elles se sentaient liées. Et de voir des possibilités de subvertir et des luttes autour d'eux. Donc en fait c'est dans ces conflits autour des transports publics, l'espace public et le mouvement de chasser les pauvres du centre-ville. Et donc ils étaient à la recherche de faire les liens entre toutes ces dynamiques-là. Pour eux, en fait, la gentrification n'est rien de plus qu'une logique quotidienne de l'État et du capital pour contrôler l'espace, où habitent les gens, donc comment ils se déplacent, qui va passer où, qui va pas passer où, selon leur position et leur rôle dans la société, et faire un maximum de thunes par les moyens de la spéculation et de restructuration du paysage urbain. Et donc à un certain moment, il y a la compagnie des bus, des transports publics, qui impose une augmentation des tickets de bus. Et il faut savoir qu'à Asunción, là où les anars étaient actifs, donc la capitale du Paraguay, qu'en fait, tout le monde qui n'est pas riche prend le bus, avec une qualité vraiment abominable, les bus qui passent pas, du matériel qui est dangereux, qui est plus en état, etc. Avec une hégémonie d'une grosse compagnie capitaliste. Et donc il y a un appel informel pour une assemblée autour de la montée des tickets de bus à la faculté de philosophie. Et en fait, les partis marxistes qui sont là, les mouvements étudiants qui sont là, ils ont tous leurs militants prêts. Et donc tout de suite, ça parle de porte-parole, de représentation, de groupe de travail, etc. Ça me rappelle quelque chose. Et du coup, en fait, les anars proposent pour le lendemain de faire l'assemblée à l'extérieur, dans la rue, en dehors de la faculté, en dehors de l'univers académique et en plein centre-ville. Et l'assemblée est en même temps une espèce de blocage de la route. Et elle décide d'organiser une manif. Et la manif est assez grande, il y a pas mal d'organisations réformistes aussi. Et à la fin, il y a un chef qui fait un grand discours. Et de manière spontanée, il y a un petit groupe de manifestants, manifestantes autonomes qui se séparent de la manif et qui bloquent une avenue importante et qui bloquent donc le passage des bus. Et en même temps, on fait des tags sur les bus et les bus, ils doivent faire retour arrière. Et donc ça va créer vraiment un enthousiasme fou. Et donc il y a une centaine de personnes qui vont vers le marché de Asunción. C'est un marché dans un quartier qui est assez grand, mais avec une économie informelle et là où les pauvres vont faire leurs achats. Donc on est d'accord, on parle pas du marché de jet. Et donc vers le chemin, vers le marché, en fait, on bloque le trafic, on continue à mettre des slogans sur les bus et les chasser. Et donc on parle avec les visiteurs, les visiteuses du marché, on appelle à la révolte contre la hausse du ticket train, etc. Et en fait, pendant 2 semaines, chaque soir, va y avoir une assemblée de rue qui va à chaque fois résulter dans une manif sauvage où on bloque les carrefours, on donne des tracts. Et les manifs sont très mobiles, donc quand la police arrive, il y a un peu de résistance, mais le groupe se sépare et puis il se réunit ailleurs sur un autre carrefour. Et donc ça continue comme ça pendant des heures. Et donc après deux semaines de lutte, les mafieux du transport décident de pas augmenter leur prix et c'est l'État qui va les subsidier au retour. Et donc une grande partie des idées sont assez réformistes, donc on demande un meilleur service, un ticket un prix qui est raisonnable, et, ou soit la nationalisation du transport en commun. Mais les anars, dans ça, ils vont surtout mettre en avant la misère quotidienne, du jour quotidien, le rôle en fait du transport en commun dans la course de rats, ça se dit, la rat race quotidienne économique, et aussi comment les transports en commun, ils vont faire une connexion entre les parties, les quartiers pour pauvres, les quartiers pour riches, les centres de production, les centres de consommation, tout ça en fonction des besoins de l'État et du capital. Et ça me rappelle qu'il y a au local une brochure qui parle de la STIB et qui fait une analyse similaire. Ça s'appelle la STIB, veine de la prison sociale. Et donc pour ce qui était important dans cette lutte, même s'il y avait des aspects réformistes, c'est plutôt qu'il y a eu de l'action directe et qu'il y a une critique radicale de la société qui a circulé. Et l'action directe qui était facile à reproduire par tous. Donc les propositions de lutte, c'était par exemple donc bloquer la circulation, bloquer les dépôts de bus, ne pas payer ou payer la moitié au black, au chauffeur, etc. Et surtout les bus, les slogans des bus, puisque les bus ne pouvaient pas être mis hors circulation, en fait les slogans ont parcouru toute la ville. Ça aussi, un peu dans la même période, il y avait les bus et les trams à Bruxelles qui parcouraient la ville avec des tags contre les centres fermés, contre les prisons. C'était très beau à voir. Mais donc, voilà, les partis léninistes, ils n'étaient pas du tout contents du fait que les anars avaient pu obtenir, par exemple, que c'était une assemblée de rue, qu'elle était courte, qu'il ne s'agit pas de faire des gros discours, qu'elle finissait toujours sur une action directe, etc. Et donc, ils se sont vus, les partis gauchistes se sont vus après pour se parler, pour dire, OK, comment est-ce qu'on va éviter la prochaine fois que ça devient un lieu de rencontre pour rebelles, avec l'échange d'idées et la coordination, mais par contre, où il n'y a personne qui va rejoindre les partis, les rangs des partis, ou qui va écouter pendant des heures leurs discours. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose à Bruxelles. Et donc, en fait, peu de temps après, donc il y a à la Plaza Uruguaya, qui est vraiment une place en plein centre-ville, agréable, avec quelques bouquineries, où il y a des arbres, des plantes, etc., où il y a des gens qui viennent se reposer, à côté d'une bidonville qui s'appelle la Chacharita. Et les gens de la Chacharita, ils vendent du fruit, du jus, du maté, etc., sans permis. Et souvent, en fait, ce lieu aussi, c'est un peu un lieu où les paysans, où les peuples premiers de Paraguay, ils se retrouvent et ils font des campements de plusieurs jours ou semaines. C'est aussi un endroit où il va y avoir des travailleurs, travailleuses du sexe, etc., des jeunes qui traînent. Et donc, voilà, pour éviter tout ça, l'État propose de mettre des barrières nadar tout autour du square et de fermer la nuit. Et d'instaurer des gens de la sécurité et de refuser toute tentative de vente qui n'est pas avec des permis. Et donc, pour commencer les travaux, l'État expulse un campement de peuples indigènes. Et donc, on appelle à une assemblée. Mais là, ça se voit tout de suite que les marxistes vont mettre en place une tactique commune pour vraiment bloquer toute tentative de parler d'action directe, de sabotage des travaux, d'organiser une manif ou de bloquer le trafic, etc. Toute proposition dans ce sens-là est tout de suite bloquée. L'assemblée est extrêmement longue, avec des gros discours politiques. Chaque proposition de lutte est tellement discutée qu'à la fin, il ne reste plus rien. Donc ce qu'eux, ils vont proposer, c'est une manif hyper pacifique sur le trottoir. Et on invite la presse, et puis c'est une espèce de festival de protestation folklorique. Ça devient en fait un spectacle politique, où les assemblées étaient devenues un instrument politique des partis de gauche. Y aunque pierda la esperanza y crea que todo se irá igual. Y aunque me digan que pierdo el tiempo y que me deje de planear, yo por siempre lucharé y cantaré. Aunque ya no esté de moda protestar, aunque me aseguren que es mejor vivir una vida light. Y aunque todos digan que la pobreza será siempre algo normal, yo por siempre lucharé y cantaré. Que nadie cante nunca esta canción, que me vendan su superficialidad por la televisión, que aunque me ofrezcan una vida burguesa tranquila sin preocupación, yo por siempre lucharé y cantaré. Aunque digan que conviene ser comercial, aunque nunca tenga éxito mi forma de pensar, y aunque vea que hoy la rebeldía se puede comprar y vender, yo por siempre lucharé y cantaré. Aunque nunca suene la radio esta canción, aunque me quieran como que se cierro, solo diversión, que debo hacer canciones de amor. Mañana que comer, aunque la ANR siga en el poder, aunque latifundistas y militares el pueblo quieran joder, yo pues siempre lucharé y cantaré. Aunque hoy cualquiera dice ser un fan, aunque jamás les va a importar lo que se sufre en la realidad, crean que solo en MTV se encuentra la verdad, yo por siempre lucharé y cantaré. Aunque no me escuche ni me entienda esta generación, aunque los yanquis mañana invadan otra nación, pasen implacables mis años. Aunque se me va la vida sin vivir nunca del rock. Y aunque tanta mentira y tanta mierda devore mi corazón, yo siempre lucharé, yo siempre lucharé y cantaré. Et donc pour les anards, en fait, ils ne voient vraiment pas de nécessité d'aller essayer d'interagir dans cette dynamique-là. Et eux, ils font plutôt leurs journaux où ils parlent de différents thèmes, plein de luttes, de résistance paysanne, des petits moments de révolte dans l'école, ils parlent de la répression, etc. Et donc à un certain moment, ils sont en train de tracter à une espèce de festival, festival de la memoria pour commémorer les victimes de la dictature, pour célébrer l'existence de 200 ans du Paraguay. Et donc eux, en fait, ils vont diffuser des tracts sur 14 paysans du nord du Paraguay qui sont accusés de soutenir la lutte armée dans ces régions-là. Et en fait, les anards, ils font tout pour essayer de rentrer avec ces tracts sans être vus, etc. Ils se font pour suivre par des flics en civil qui n'osent pas trop brutalement les enlever de là parce que voilà, il s'agit quand même de célébrer la démocratie, etc. Et à un certain moment, ils voient une banderole qui dit « 200 ans du Paraguay, on n'a rien à célébrer ». Et c'est une banderole qui est posée par les habitants bidonville qui est juste à côté de la Chacarita. Et donc en fait, dans leur enthousiasme, ils vont voir les gens qui habitent là, à la Barrio Chino, qui est une partie d'un bidonville, la Chacarita, qui en elle fait partie d'une gigantesque bidonville qui est construite à côté de la rivière et qui un quartier de bidonville où il y a régulièrement des inondations. Et donc en fait le Barrio Chino est menacé d'expulsion pour un gigantesque projet de construction qui fait partie du plan urbanistique d'Asunción. En gros, ils veulent chasser les pauvres et ramener des personnes plus aisées dans le centre. Parce que là, on est dans une situation où, en fait, il y a ces bidonvilles, vraiment plein centre-ville, à côté du congrès, etc. Et voilà, c'est la première chose à enlever pour l'État, pour enlever la possibilité qu'il y a une espèce de contagion de la révolte et que les gens, ils savent trouver là où il y a le pouvoir, évidemment. Et donc, l'État essaye évidemment de calmer l'esprit de révolte en proposant des relocalisations ou soit des indemnisations. Et donc il y a déjà, bien sûr, avec les travailleurs sociaux qui aident à convaincre les gens que c'est mieux de partir, que c'est mieux de partir vite, parce que sinon peut-être qu'ils vont être moins indemnisés, etc. Donc ils vont atténuer le travail de l'État. Et donc le quartier était en train de pourrir encore et encore parce que une grosse partie des habitantes étaient déjà partis. Et en fait, chaque fois qu'une famille partait, l'État détruisait l'espèce de maison fabriquée et donc du coup laisser les ruines. Donc du coup ce quartier est devenu juste des ruines, comme une zone de guerre, et les dealers de drogue ont trouvé là un moyen, un endroit pour faire leur sale commerce, parce que évidemment il y avait déjà le crack qui était bien répandu chez la jeunesse de ce quartier, qui ne voyait plus d'avenir pour eux. Et donc les dealers de drogue ont utilisé cette situation pour s'imposer dans ce quartier, et les flics ont laissé faire, évidemment l'État a laissé faire, parce que voilà, ça fait partie pour eux de l'arsenal de l'État dans la guerre contre les pauvres. Et ça me rappelle que peut-être qu'il y a une, peut-être que c'est pas une coïncidence que c'est à Molenbeek qu'il y a plein de gens qui se font flinguer, que les enfants doivent rester enfermés à l'école parce qu'il y a des tirs dehors, et que ça se passe à Molenbeek et pas à Uccle ou à Boisfort. Et voilà, donc tout ça pour dire que ce quartier, du coup, dans ce contexte-là, les anards vont à la rencontre des gens qui habitent là. Et assez drôle, la première rencontre, c'est en mode « vous faites partie d'un parti politique ?» Non. Bon, vous diffusez un journal, alors vous êtes des journalistes? Non, pas non plus. Alors, vous faites partie d'un mouvement religieux ou... Non, tous des athéistes. Vous êtes quoi alors? On est des anarchistes. Comment? Et puis, ils parlent de solidarité, d'un ennemi commun et de vouloir pas gagner ni la voix, ni l'âme, ni faire l'argent. Voilà, mais apprendre à se connaître et lutter ensemble. Donc, dans ce contexte-là, il y a plusieurs initiatives de lutte et le texte, il en développe quelques-uns. Par exemple, donc il y avait une assemblée dans la Barrio Chino, mais il ne s'agit vraiment pas de glorifier ou de dire « ouais, tout est génial », etc. Non, il y avait aussi des logiques de pouvoir avec des espèces de personnes porte-parole qui prennent plus la parole. C'était surtout les mecs qui prenaient la parole. Et donc, dans le texte... Les compagnons disent voilà que c'est pour cette raison-là, c'est ça peut être très bien en fait de dire ok, on peut être solidaire, mais sur un autre terrain, sur notre propre terrain où on va vraiment refuser toutes ces logiques-là. Eux et elles ont plutôt fait le choix d'essayer de composer avec ça et d'intervenir dans ce contexte-là, essayer d'apporter en luttant ensemble en fait de aussi porter des idées par rapport à toute logique de pouvoir, toute logique de représentation, le patriarcat, etc. Et donc, par exemple, tout au début, où ils avaient donc invité les anars à participer à l'assemblée, les habitants avaient identifié la personne qui parlait le plus comme le leader. Et donc, du coup, ils avaient laissé une chaise vide pour lui. Et là, en fait, ils ont dit « Non, non, en fait, on est des anars, on est des anarchistes, on n'a pas de leader ». Et donc, du coup, on ne va pas occuper un siège. Et en fait, on va inciter tout le monde à parler et se sentir à l'aise, etc. Et donc, en fait, ça fait que de plus en plus de gens, ils ont pris la parole. Et donc, c'était de moins en moins les porte-paroles qui s'imposaient et qui s'accaparaient de l'espace de parole. Et aussi parce qu'il y avait des compagnons qui prenaient beaucoup la parole et qui défendaient des idées de lutte, des propositions avec ardeur et confiance en soi, etc. Et donc, du coup, ça aussi, ça a participé à un élan où, en fait, les femmes, les habitantes ont aussi de plus en plus pris la parole. Et donc, ça a changé les dynamiques à l'intérieur de l'Assemblée. Un autre exemple de proposition de lutte qui est mis en avant dans le texte, c'est le fait qu'ils ont fait une affiche ensemble parce que les habitants et habitantes du Barrio Chino, ils étaient vraiment pas du tout contents de comment la presse parlait d'eux, mais ils n'avaient jamais pensé à faire leur propre presse ou écrire leurs propres affiches ou tracts. Et donc, ils ont écrit ça ensemble et après, ils se sont échangés des manières de bien les coller, etc. Parce que les habitants et habitantes du Barrio Chino, ils travaillaient comme ils allaient coller les affiches en période électorale. Donc, du coup, ils avaient des petites recettes avec la farine de manioc, par exemple. Ça collait beaucoup mieux que l'autre farine, apparemment. Et en même temps, il y avait une dynamique où, en fait, qui sortait aussi d'une espèce de rituel que nous, on peut avoir. Où, par exemple, en fait, en affichant dans la rue, ben, en fait, les gens, ils proposaient aussi de parler à toutes les personnes et à de leur demander s'ils voulaient aussi afficher chez eux à la maison. Donc, ça, c'est des réflexes qui, pour les anarchistes, n'étaient jamais encore venus à l'esprit. Donc, il y avait un échange de cette manière-là. Et un autre focus, c'est un peu de faire chier les artistes. Parce que quand le pouvoir veut organiser un projet de gentrification dans des zones qui apparemment sont vraiment des zones où personne vient, ben en fait, il faut à côté des bulldozers, des flics, des investisseurs, des travailleurs sociaux, ils ont aussi besoin des gens, en fait, qui croient à leurs mensonges et qui viennent, en fait, et qui veulent venir et consommer à ces endroits-là. Et donc, du coup, des gens avec de la thune. Et pour ça, les projets artistiques sont géniaux parce que ça rend beau, joyeux. Et on a envie d'y être, quoi, dans ce quartier. Donc, du coup, le ministère de la Culture avait assemblé dans des cercles ONG, académiques, progressifs, bohémiens, artistiques. Ils avaient recruté des gens pour faire un festival chaque semaine sur un endroit délaissé à côté de ces quartiers qu'ils voulaient donc du coup complètement transformer. Et ils faisaient un marché aux puces gratuit, un marché artisanal avec des concerts artistiques, etc. Et donc les anars avaient critiqué ça dans les journaux et une personne du festival les avait invités à venir parler et participer au dialogue démocrates. Du coup, ils étaient venus, ils étaient allés une fois, mais donc ils avaient aussi reçu un espèce de stand. Et ce qu'ils avaient trouvé à faire, c'est aller trouver dans les ruines des maisons détruites de Barrio Chino, des pièces qui restaient, une chaussure d'enfant, une roue de vélo, quelque chose qui avait servi comme, comme toiture, etc. Et ils avaient exposé ça, ils avaient dit « Souvenir historique de la Chacarita, investissement génial, parce que voilà, le quartier est sur le point de disparaître, donc du coup, la valeur de ces objets va monter, tout comme la terre et la propriété dans le quartier. » Donc c'est le moment de venir prendre ces objets-là. Et au début, en fait, les gens, ils comprenaient pas, les artistes comprenaient pas, mais après, ils ont clarifié... À mettre plein d'affiches partout et après les organisateurs les ont plus contactés pour un dialogue démocrate, c'était fini. Après le texte, ça parle aussi de plusieurs manifs, d'une manif co-organisée où par exemple les parents avaient décidé de pas envoyer les enfants à l'école et donc du coup tous les enfants étaient là. Les personnes qui travaillaient dans le recyclage venaient avec leurs gros chariots pour pouvoir bloquer la rue. On a chanté, on a écrit, on a crié des slogans. Les habitants et habitantes du Barrio Chino avaient rassemblé plein de feux d'artifice, plusieurs carrefours bloqués, etc. Donc voilà, tout ça dans la joie. Et à un certain moment, les gens ils s'inquiétaient vraiment parce qu'ils voyaient vraiment la saleté, le trafic de drogue, les ruines, ça allait démoraliser à fond. Et il y avait l'été qui arrivait et... les habitants voyaient en fait comment la drogue vraiment s'accaparait de tout le monde, de tous les jeunes et tout. Et donc à un moment, ensemble, ils se sont mis ensemble et ils ont nettoyé une grande partie du lieu et ils ont instauré une petite plaine où ils ont construit une petite école de danse, une petite école de foot. Ils ont invité les danseurs, ils ont invité des amis qui faisaient la musique, l'acrobatie, etc. Et donc... pour vraiment, de cette manière-là, vraiment pouvoir avoir un moment joyeux, même au sein des ruines. Évidemment, pas organisé par l'État, pas subsidié par l'État. Entre-temps, le Barrio Chino, il a disparu. Pas mal de gens ont été réinstallés collectivement. Ils disent que leur contexte de vie a quand même amélioré. C'est déjà ça. Mais ce qui est surtout important, c'est que ces expériences de lutte ont vraiment laissé une trace concrète, en fait, où par exemple, on a entendu que les habitants et habitantes du Barrio Chino sont allés avec des photos, des manifs et des flyers et des affiches pour raconter leurs histoires et pour motiver d'autres quartiers qui allaient subir le même sort, pour prendre la lutte en main et s'organiser de manière autonome. Voilà, donc on raconte cette expérience de lutte. Évidemment, ça a eu une fin, ça s'est diminué, ça s'est pas arrêté brusquement avec un coup de répression, mais plutôt juste l'épuisement, et puis le déménagement de certains compagnons, etc., et puis la délocalisation des habitants, habitantes. Mais certains sont restés en contact, certains ont même été vivre près d'eux et près d'elles. Et voilà, dans les années qui ont suivi, il y a encore eu des petits moments de révolte dans ces quartiers-là, et donc on peut espérer qu'il y a quelque chose de ces années-là qui a pu survivre dans les esprits et dans la mémoire. Et voilà, donc c'est mon souhait que ces histoires, ces expériences de lutte peuvent aussi être racontées ici. Voilà, donc je voulais apporter mon petit grain de sable à ça. Merci pour l'écoute. Et pour finir, on va s'écouter Enemigos de la clase, Acción y Lucha. Action et lutte du groupe de punk du Paraguay, Enemigos de la clase. Et l'autre chanson qu'on a écoutée, c'était Por siempre lucharé y contaré. Todo está allí, la lucha del pueblo que no quiere morir. Ya basta de esperar, no hay otra que luchar y derribar este gobierno acá. Es tiempo que dejes de ser espectador y te prepares para la acción. que vos creas más la fuerza electoral de los partidos burguesía del poder. Que no confíes más sus ricas promesas, en realidad quieren que todo siga igual. Y cuando ellos den en tiempos de elección, ellos dirán que al pobre hay que ayudar. Después se olvidarán del hambre popular, nos venderán a una multinacional. Con la movilización triunfa la revolución de lo que sufren en esta nación. Écoutez un extrait de l'émission Alors la zone ça dit squat de Radio Galère en Marseille. On a pris la première demi-heure d'une podcast qui est diffusée le 16 mai 2022 qui parle des vécus des exilés qui vivent en squat et qui nous parlent de leur parcours et de leurs difficultés quotidiennes. Alors la zone, ça dit squat, est une émission autour des personnes exilées, vivant en squat à Marseille et avec qui on s'organise. L'idée est d'échanger avec elles et eux sur leur parcours, leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes, invisibilisées dans l'espace public et médiatique. Bienvenue sur Alors la zone ça dit squat, émission mensuelle sur Radio Galère. Aujourd'hui, nous avons Coco, Yas et moi-même Tom autour de la table. Nous avons invité avec nous Tidjo et Ahmed. Salut les gars. Salut. Salut. Et à la technique ce soir, nous avons Chacha et Romsa. Salut. Et peut-être qu'on commence directement comme chaque mois à écouter... l'interview reportage qu'on a fait avec Ahmed ces semaines précédentes. Bonjour, je m'appelle Ahmed, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 22 ans. Je suis arrivé en France dans le mois d'avril 2018. Ben, quand je suis arrivé en France, j'étais à Marseille. Et quand je suis arrivé à Marseille, je suis venu chez mes anciens amis, qu'on se connaissait depuis l'Italie. Je suis resté avec eux. Et là, j'étais au Raccoon, dans un squat, pendant 3 semaines. Nous, là, au Raccoon, là-bas, on était tellement nombreux. Il y avait toutes les communautés. Il y avait des Guinéens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Togolais, il y avait beaucoup de pays africains, on était vraiment aménagés. Mais après, là-bas, ça se passait de moins en moins bien parce qu'il y avait un peu de disputes avec d'autres communautés. Mais ça regardait mes amis, mais moi, ça ne me regardait pas. Parce que moi, quand je suis arrivé, il fallait que je m'adaptais, quoi. Je devrais être un peu sympa avec les gens et tout. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça se passait très bien. Et on a reçu la lettre de la police qui concernait notre expulsion dans le Rancun. Et voilà, et quand l'expulsion est arrivée, il y a une dame de l'association Mama qui est venue prendre ce papier-là et elle nous a expliqué que vraiment c'était la dernière expulsion. Il n'y a pas d'autre moyen de contester, même si on dit on va contester, on n'a aucune chance. Voilà, et la maison, le propriétaire, il avait besoin de sa maison. Il fallait qu'on devrait trouver un autre endroit pour partir. On ne sait pas quoi faire. Bon, et on attendait le jour arriver. Donc j'avais vraiment peur pour ne pas que la police va me chiper pour m'envoyer chez moi. Parce que la peur, c'était ça. Donc, et aussi, j'avais pas d'autre choix. Et pour sortir, pour aller dormir dans la rue, parce que si j'ai pas de maison, comment je vais faire, même si j'avais peur, soit j'étais dans la rue, soit j'étais obligé de rester dans la rue. Donc du coup, j'ai été obligé d'affronter voilà, la situation. Ben, avant ça, on avait déjà préparé nos affaires chez d'autres amis. Voilà. Donc le jour de l'expulsion, la police est venue. Donc après, on s'est retrouvé comme ça dans la rue. Donc après, dans le mois d'avril 2018. Et on est allé chez Mamba, l'association Mamba. Ils nous ont trouvé des amis, qu'on pouvait passer quelques nuits là-bas chez eux. Voilà, on a passé quelques nuits chez eux là-bas. C'était une nuit, souvent deux nuits, souvent trois nuits chez les amis. Donc ils ont trouvé un autre squat pour les femmes. Parce que parmi nous là-bas, il y avait des femmes aussi qui étaient avec nous. Donc les femmes, comme elles ont la priorité. Donc, vu qu'on était vraiment attachés ensemble, donc, puis on venait du même pays, ils nous ont informés. Voilà, et c'est comme ça. Nous aussi, on les a rejoints là-bas. Voilà, parce que là-bas, là où ils étaient, franchement, honnêtement, il n'y avait pas assez de place pour rester. Mais voilà, il fallait qu'on trouve une solidarité entre nous, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Sinon, soit on est dans la rue. Donc comme ça, on a trouvé une solution. Et voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont accueillis, on est resté là-bas. Mais quand on était là-bas, on est venu trouver, il y avait des Français qui squattaient là-bas aussi. Voilà, ils nous ont promis qu'on peut rester deux semaines. Après les deux semaines, il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour aller parce qu'on ne peut pas rester là-bas, il n'y a pas de place. Donc nous aussi, on a compris et tout. On est resté là-bas et on a fait les deux semaines. Quand les deux semaines sont finies, on les a dit ouais, ils n'ont qu'à essayer d'augmenter le nombre de jours. Donc c'est comme ça, ils nous ont accepté. Et puis voilà, et Mamba avait trouvé un autre endroit dans Belle-des-Mers. Vraiment, c'était vraiment grand et où on devrait aller rester là-bas. Donc, on était allé là-bas. On avait déjà choisi notre chambre. Mais là-bas, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait problème d'électricité. Donc, il a fallu que les gens de Mamba ils trouvaient une autre solution, comment ils pouvaient nous aider pour envoyer l'électricité. Et voilà, on allait s'installer là-bas. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Il y a un collègue de nous qui ne s'entendait pas avec d'autres personnes et c'est devenu bagarre. Donc les voisins qui étaient à côté, ils ont appelé la police. La police est venue. La police a fermé l'endroit et la police nous a cherchés. On était obligé de retourner encore pour venir aux abeilles. Devant. On sera encore plus fort dans l'unité. pendant ce temps, et moi, je n'ai pas déposé une demande d'asile parce qu'au début, moi, j'avais peur. D'abord, les gens ils disaient que l'asile, ce n'est pas facile, qu'il y a beaucoup qui ne gagnent pas l'asile, il y a eu beaucoup de refus. Et si ça ne marche pas, j'avais peur un jour, j'allais me retrouver dans mon pays. Et quand je regarde tout le traversée que j'ai fait pour venir en Europe, et après, je vais me retrouver dans mon pays, ça allait être vraiment très difficile pour moi pour accepter quoi, le retour. Donc, ça fait que j'ai pris beaucoup de temps avant de demander. Mais pendant ce temps, je n'avais pas les moyens pour vivre, en fait, comme l'argent ou côté financièrement. Donc, il fallait que je partais chercher travail. J'avais un ami aussi, lui, il a commencé à trouver travail. Moi, je lui ai demandé comment il fait pour avoir du travail. Lui, il m'a expliqué qu'il y a une plateforme qui se trouve à Frévalon. Qu'il y a une plateforme là-bas, on appelle Brico Dépôt. Et tu prends le métro, combien d'arrêts, et tu t'arrêtes à Frévalon, après tu t'en vas là-bas. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à Brico Dépôt. Et le premier jour, quand je suis allé là-bas, voilà, je n'ai pas du boulot. Deuxième, je suis allé, je n'ai pas eu de boulot. Mais ce n'est pas grave. J'ai toujours gagné du courage pour aller chercher toujours du travail là-bas. Un jour, j'ai eu un maçon qui m'a appris. On a travaillé 3 jours. Et j'ai eu un peu d'argent. Ça m'a un peu soulagé. Il me payait 40 euros. 40 euros la journée. J'ai fait 3 jours de travail avec la personne. Et voilà, je n'avais pas de choix, même quel que soit, même si que ça soit c'est petit ou c'est grand, il fallait que je prenne parce que ce n'est que le début. Voilà. C'est de l'argent, ça pouvait me permettre pour avoir un peu le moral. Et ça pouvait me permettre aussi à me trouver quelque chose, de quoi manger. Donc du coup, c'est comme ça. J'ai commencé petit à petit à aller chercher du travail au Brico Dépôt là-bas. On rentrait dedans. On rentrait à l'intérieur du magasin pour aller parler avec les clients qui venaient acheter les matériels des maisons pour de construction. On parlait avec eux et voilà, ça se passait bien. Mais après, le propriétaire du magasin, il a vu que c'est pas trop bien. Donc, à chaque fois, il venait nous parler que si on a besoin de travail, il fallait qu'on reste devant la porte, il fallait pas qu'on rentre dedans. Mais malgré tout ça, ce n'était pas facile parce qu'on est beaucoup, chacun veut chercher travail, chacun veut aujourd'hui, chacun veut avoir quelque chose à faire aujourd'hui, tu vois. Donc c'était un peu difficile de respecter ce que le propriétaire du magasin nous dit, quoi. Mais après ça, le propriétaire du magasin, il a trouvé une solution, il a envoyé sécurité. Donc maintenant, voilà, la sécurité, il est chargé de nous faire sortir, nous faire respecter les règles de là-bas, obligé, on doit s'arrêter devant la porte. Donc, ça s'est passé de moins en moins bien. Parce que souvent, quand il y a un peu de disputes, ceux qui avaient la sécurité, ils appellent la police. Donc, la police, ils venaient nous disperser. Et voilà, nous, on était obligés de partir. Donc, quand on va, on fait semblant comme on est parti, mais après, la police, il s'en va. Et puis après, on est obligé encore de revenir. Sinon, on n'a pas eu de problème là-bas pour le nouveau de papiers. Pour dire la police vient contrôler les papiers. Non, pas du tout. Ça fait que maintenant, quand les voitures rentrent, on est obligé de faire autostop. Voilà, chacun fait autostop. Lui qui a eu la chance, il s'arrête devant la personne pour l'appeler, pour venir travailler. C'était comme ça. On partait de là-bas pour aller chercher le travail du 7h jusqu'à 16h. Ce n'était pas facile. Même des fois, même si on ne gagnait pas de travail, pour nous, ça nous permet de causer, parce que ça nous permet d'échanger un peu, ça nous permet d'avoir un peu le moral. Rester à la maison et ne rien faire, ce n'est pas bien pour le moral. Ça nous donne un peu de la force, quoi. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir toujours de courage pour travailler parce qu'on ne peut pas rester à la maison pour sortir pour aller mendier. Ce n'est pas agréable parce que quand Dieu te donne les 2 mains et les 2 pieds, tu dois avoir le courage de travailler avec, tu vois, au lieu d'aller voler. Donc voilà, c'était un lieu pour moi où je pouvais aller chercher mon travail. Et les difficultés aussi pendant l'hiver, c'est parce que tu es obligé de sortir. Quand tu n'as pas de quoi manger, tu es obligé de sortir pour aller chercher quelque chose, soit même s'il fait froid, mais combien de degrés, je ne sais pas, mais tu es obligé de rester. Que ce soit même en été, même si le soleil est comment, tu es obligé de rester devant la porte. Vraiment, c'est une situation vraiment très difficile, mais on n'a pas d'autre choix, on est obligé de le faire parce qu'on veut espérer à quelque chose. Il y avait une autre plateforme de travail là-bas aussi, à Bougainville. Moi, je suis allé là-bas une fois et ça n'a pas marché. Après, c'est allé deux fois et j'ai trouvé quelqu'un qui m'avait pris pour aller travailler dans son jardin. J'ai travaillé, il m'a payé. J'ai fait un jour de travail. Mais après, j'ai trouvé que là-bas, j'ai pas beaucoup de chance. Donc, je me suis retourné encore pour venir au Frais-Vallon, au Brique de Dépôt. C'est là-bas, j'y suis resté pour avoir beaucoup de contacts avec des gens au niveau du travail, tout. Voilà, sinon, même au Brique de Dépôt, on était moins nombreux par rapport à Bougainville. Mais à Frais-Vallon aussi, la communauté des gens qui sont beaucoup là-bas, c'est les anglophones, surtout les Nigériens. Apparemment, il paraît qu'eux, ils étaient premiers à aller au Brico Dépôt pour aller chercher du travail. Donc, ça fait qu'ils sont beaucoup là-bas par rapport à d'autres communautés. J'ai une fois croisé un arabe là-bas. Il m'a fait travailler. Il ne voulait pas payer mon argent. Donc, vu qu'on était aux abeilles, avec les Français qu'on était ensemble, moi, je lui ai expliqué mon cas. J'ai dit, j'ai travaillé avec un monsieur, il ne veut pas payer mon argent. Quand je l'appelle avec son numéro, il ne décroche pas. Donc, je ne sais pas quoi faut faire. Donc, moi, j'ai parlé avec mon ami là. J'ai dit, comme lui, c'est un Français, ouais, il n'a qu'à l'appeler avec son numéro. Et comme cela, s'il a décroché, il cause comme genre, c'est quelqu'un, il a son chantier, il veut venir faire travail, il appelle qu'il n'a qu'à venir faire le devis. Donc quand il est venu, voilà, et moi je me suis caché. Donc maintenant, quand je me suis caché, mon ami, il a accompagné, il a passé vers là où j'étais. Comme ça, moi, je l'ai récupéré, comme ça, il a payé mon argent. Il y en a beaucoup de gens comme ça, ils te font travailler, ils ne payent pas ton argent. À Marseille, il y en a beaucoup. Et je connais aussi d'autres amis aussi, ça les est une fois arrivé aussi. Ça existe même jusqu'en prison à Marseille, ça existe. Mais heureusement, moi, j'ai mis mon plan B, ça a marché. Le gars, il a payé mon argent. Jusqu'à même, la police même est venue le jour-là. La police même est venue et c'était vraiment chaud pour lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas de papier. Les gens, ils nous utilisent comme ils veulent. De ne pas avoir papier en France, c'est de te soumettre à tout, quoi. La marraine Janine Caudron, Zizi Grayon, aux abeilles, bon, comme je le disais, au début, c'était pas facile parce qu'il fallait trouver un moyen d'abord pour vivre. Donc cela, ça m'a permis pour aller chercher du travail. Et si tu ne gagnes pas de travail, vu qu'on vit ensemble, il y a de la solidarité. Donc la solidarité, souvent, on met ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont un peu plus, il met un peu d'argent ensemble. Et aussi les Blancs qu'on les a trouvés là-bas. Moi, souvent, je les accompagnais pour aller faire les récup'. C'est-à-dire qu'on partait au marché de Coujoulien. Le marché de Coujoulien, on partait là-bas. Et on faisait des récup' là-bas et voilà. On trouvait pas mal de choses. Donc ça nous permet aussi d'acheter moins de choses au marché. Vraiment, il y avait beaucoup de la solidarité. C'était vraiment chouette. J'ai eu des amis. Au début, quand on ne se connaît pas, on se méfie. Mais après, quand on a vécu un peu de temps ensemble, ça nous permet d'avoir un peu de confiance sur les uns et les autres. Tu vois. On est restés vraiment très proches. Voilà. Même jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est chouette. Quoi. Quand tu restes très proche avec des gens, ça te permet aussi de garder des meilleurs souvenirs avec la personne, tu vois. Je pense que l'amitié, c'est ça, c'est la sincérité, c'est basé sur des choses comme ça. Je crois que ça fait qu'aujourd'hui, on est vraiment très, très proches ensemble. On faisait quelques réunions pour qu'on puisse vivre ensemble là-bas. Voilà, et on faisait des réunions au niveau de la propriété de la maison, et au niveau des lessives et tout. Ouais, c'est ça qui était un peu des problèmes là-bas, mais franchement, ça va. Ça va, on causait ensemble, et même quand ils ont aussi des manifestations, ils pouvaient nous inviter. Si au cas où il y a de la possibilité, ils nous invitaient, nous on partait à les manifestations, on a fait des choses ensemble, on a fait des carnavals ensemble. J'ai fait un an là-bas. Après, il devra avoir l'expulsion. J'étais avec des amis, comme je le disais, des Français. Mais eux, ils ne voulaient plus rester à Marseille. Donc du coup, moi après, je ne savais pas quoi d'autre faire parce qu'ils n'avaient pas trop de moyens pour me trouver un appartement, pour louer chaque fin de mois. Il y avait un où que je m'attendais un peu pas mal avec la personne. Donc je lui ai proposé que si je trouve un endroit, est-ce qu'il peut m'aider à ouvrir la maison, tu vois, pour qu'on puisse rester parce que nous, on ne pourrait pas aller avec eux dans les Aveyron. Donc, lui, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je lui ai dit, je ne sais pas comment faire pour trouver une maison qui est vide, il n'y a personne dedans. Comment je peux? Parce que c'est ma toute première fois, je ne connais pas. Ben voilà, il m'a parlé, il y a des témoins qui dorment, voilà, c'est des signes, voilà, et tout. Et il m'a montré comment ça se passe. Voilà, c'est dans ça que j'ai commencé à chercher les maisons. Et après, j'ai trouvé une maison à Chartreux. Donc, j'ai trouvé la maison était vide. Et je l'ai expliqué que ouais, j'ai mis les témoins, ça n'a pas bougé. Et lui-même, il a passé là-bas, il a vu la maison. Il m'a dit, ouais, ça doit être très bon. Il m'a aidé, on a squatté là-bas. Ouais, c'est comme ça, j'ai commencé à repérer un peu pas mal de maisons. Il y a des maisons qui sont vides, les gens ils dorment pas dedans. Et les gens dorment dans la rue, c'est pas bien. Habiter, ça te permet d'éviter beaucoup de choses dans la rue, quoi, au niveau de l'agression, au niveau du froid, surtout le froid. Et en Europe, il fait très froid. Si tu ne dors pas dans une maison, tu peux tomber malade. Tu vois. C'est bien de trouver un endroit où à dormir quand on n'a pas assez de moyens. Comme tout le monde ne peut pas aussi avoir du travail. Pour avoir des moyens, il faut que tu travailles. Bon, le travail aussi, c'est difficile quand on est sans papier. Et puis, ce n'est pas des maisons qui sont habitées par les gens, c'est des maisons qui sont vides. Théo Cheneau Bianga, qu'ils aiment la réussite. Bana Côte d'Ivoire, policier Choco. Seigneur Mla, Babani l'argent. Seigneur Mla, Seigneur Blanc, Cardinal Royal. Dali oye yo, rompre c'est toi qui avais raison de. Un bébé auto, ne sait vraiment pas que la route est longue. Président Stéphane Guipré, mais où vont tous ces enfants remplis d'un vilain bateau comme ça là-haut. Maman, oui, ils s'en vont où même. Adonis Côte d'Ivoire. Mais où vont tous ces enfants remplis d'un vilain bateau comme ça là. Maman, ils s'en vont où même. Ils s'en vont. Lumière du peuple. Ils s'en vont, Yenou. Ils s'en vont, Jutiao. Ils s'en vont. Président Yannick Akoya. Pourtant le dernier bateau qui est parti est là. N'est pas arrivé à destination. Mais les gars là s'en vont où. Absu malin. Pourtant le dernier bateau qui est parti est là. On a même pas ses nouvelles. Mais ils s'en vont. DJ Kikis. Et on est de retour sur le plateau de Radio Galère 88.4. Donc on est toujours avec Ahmed que vous avez entendu pour le témoignage et Tidjo qui est venu prêter main forte et aussi raconter son histoire. Ahmed, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Tidjo, on va aussi parler un peu avec toi parce que tu es venu du coup un peu pour faire écho à ce que nous racontait Ahmed. Alors toi, quand est-ce que tu es arrivé en France et sur la question du logement, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bonsoir Tom, bonsoir à tous. Je suis arrivé en France en 2017. J'étais à Paris, j'ai parti directement à Paris. Comme j'avais un peu l'approche, mes proches qui étaient là-bas m'ont beaucoup aidé sur le logement et sur puis accès aussi au travail. C'est vrai, c'était un peu compliqué pour la langue parce que je ne comprenais pas en ce moment-là, je ne parle pas la langue. Mais vraiment, à ce moment-là, mes proches m'ont beaucoup aidé. Sinon, je n'arrive pas à accéder au travail ni à avoir le logement, en fait. Et du coup, sur le logement, ça se passait comment quand t'es arrivé? Alors, ça s'est passé parce qu'en fait, ils habitaient dans le foyer à Paris. C'est un peu comme je squatte ici à Marseille, mais là-bas, c'est le foyer. T'as une chambre qui fait 9 à 15 mètres carrés, qui coûte 400 quelques euros. Il y a juste une personne qui va louer la chambre. Après, il fait héberger des personnes, 2, 3, jusqu'à parfois 4 personnes. Mais tout le monde paye quelque chose à la fin de mois, quoi. Pour payer la chambre qui était louée par la première personne. Exactement. D'accord. Donc, j'ai resté dans ça pendant 2 ans. Après, j'ai commencé à comprendre la vie et pour avoir du travail, pour avoir essayé d'avancer un petit peu, c'est là que j'ai quitté le foyer. J'ai resté dans ça pendant 2 ans. Et à Marseille, du coup, quand tu es arrivé à Marseille, il s'est passé quoi en termes de logement aussi, si on continue un petit peu sur le sujet? Quand je suis arrivé à Marseille, je suis à Marseille depuis 7 mois maintenant. Au début, c'était compliqué parce que je ne connaissais personne. Enfin, je dormais dehors sur le pont à Chanchard pendant 3 mois. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens sur les associations, surtout des gens de Mamba. Je connais une personne qui m'a beaucoup aidé. C'est grâce à elle aujourd'hui. Je dors plus dehors, quoi. Grâce à elle, à ses réseaux qui m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que maintenant je dors plus dehors. Je dors entre mes amis et mes potes. En fait. Et t'es passé par. Du coup, t'habites en squat aussi à Marseille? Ouais, j'ai habité dans les squats pendant 2 mois et quelques. Mais après, on était expulsés au début de mai. Donc ça vient d'arriver là. Tu viens d'être expulsé. Est-ce que c'était les policiers municipaux, c'était la police normale ou c'était... Non, par contre, c'est pas la police, ni police municipale, ni police normale. Et il y avait quelque chose qui était écrit dans leur tenue, mais je sais pas exactement sur quoi, mais c'était pas la police. Ils étaient très armés, non? Ouais, c'est des armés, ils ont cagoulé. Enfin, ce n'est pas écrit comme police, en fait. C'était des initiales ou quelque chose comme ça, genre des lettres? Ouais, il y avait des lettres qui étaient écrites dans leur tenue, dans leur gilet. Mais exactement, enfin, je ne sais pas exactement sur quoi, parce que c'est la première fois que j'y vois ça. Mais il se dit en effet que le GIGN et d'autres contingents de la police spéciale font des entraînements sur les expulsions de squats. Je pense que c'est G, parce qu'en fait, c'est les noms, ça, les lettres, ça commence G, mais en fait, c'est G, mais je ne sais pas trop, en fait. Mais du coup, ils avaient des armes et ils vous ont menacé avec les armes ou pas forcément? C'était juste à côté? Si, en fait, au début, c'est juste pour nous faire flipper, mais ils avaient les armes, ils ont fait même sortir les armes pour nous dire que c'est la police, la police. Après nous aussi, on s'est laissé faire, quoi. Parce qu'ils sont là avec d'armes, ils ont cagoulé, on ne sait pas exactement c'est quoi leur ambition, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Après tout, peu importe, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. Quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plans. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie tout au fond du puits. Chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh, oh là, yo, oh. Prépare un voyage et on se jette dans l'eau. Merci à celui qui diffuse l'émission Alors la zone ça dit squat et qui est diffusée tous les troisièmes lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère à Marseille, donc qui est à écouter sur streaming depuis Bruxelles et partout dans le monde. Et leur podcast, vous pouvez aussi les trouver sur le site de radiogalère.org. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Et voilà, c'était À la cloche de bois. Tous les podcasts sont disponibles sur alaclochedebois.noblogs.org et pour nous écrire, c'est alaclochedebois@riseup.net. On vous fait plein de bisous, on vous donne rendez-vous au mois prochain.